Deuxième partie, chapitre 1er. En racontant à sa femme qu'il avait rencontré chez son collègue le comte de Chalus, ce vicomte de Mussidan, ce charmant homme du monde qui s'était trouvé là si à propos pour lui prêter 50 000 francs, Adeline n'avait pas tout à fait dit la vérité. En réalité, ce n'était point chez M. de Chalus qu'il avait fait cette rencontre, c'était chez Raphaël, la maîtresse de ce collègue. Mais ce petit arrangement était pour lui sans conséquence. À quoi bon parler de Raphaël à une honnête femme qui ne savait rien de la vie parisienne? Elle aurait pu se tourmenter, se demander dans quel monde vivait son mari. Il aurait fallu des explications, des histoires à n'en plus finir. On ne peut pas demander à une bonne bourgeoise d'Elbeuf des idées qui ne sont ni de son éducation ni de son milieu. Elle n'aurait jamais compris qu'un député invitât ses amis chez sa maîtresse et qu'il se trouvât des amis, alors surtout que c'était des députés, pour accepter cette invitation. La province a sur les maîtresses et sur les députés des opinions qu'il est bon de laisser intactes. Que serait l'existence d'une femme de député restant dans sa ville si elle pouvait supposer que son mari ne se nourrit pas exclusivement de politique? S'il fait des farces, ça ne peut être qu'à la buvette, et s'il caquette, ce ne peut être qu'avec des amis arrivant de son arrondissement pour lui demander une bonne place de tribune. Si Adeline allait parfois chez Raphaël, il ne faisait qu'imiter plusieurs de ses collègues qui, pas plus que lui, ne se trouvait embarrassé à la table d'une ancienne cocotte. Bien au contraire, on était là plus à son aise, on faisait meilleure chère, on s'amusait plus que dans beaucoup d'autres maisons. En somme, qui les invitait? Le comte. C'était donc chez le comte qu'il dînait. Il ne serait venu à l'idée d'aucun d'eux que ce n'était pas le comte qui payait le loyer de cette aimable maison où ils étaient si bien reçus et qui payait aussi cette bonne chère. Le comte était bœuf, il recevait chez sa maîtresse. Il aurait fallu un excès de puritanisme pour s'en fâcher. À la vérité, ceux qui connaissaient leur pari savaient que depuis longtemps déjà le comte de Chalus n'était pas en état d'entretenir le train de maison d'une femme comme Raphaël. Mais tous les députés qui connaissent à fond les dessous de la politique française et étrangère n'ont pas pénétré aussi profondément les dessous de la vie parisienne. Ceux que M. de Chalus invitait, en les choisissant d'ailleurs avec soin, voyaient ce qu'on leur montrait une maison agréable. Une femme qui, pour naître plus jeune, n'en conservait pas moins d'assez beau reste, et ce qui valait mieux encore, une vieille célébrité, et ils n'en demandaient pas davantage. Chez qui irait-on si on ne se contentait pas des apparences? D'ailleurs, on ne refusait pas le comte de Chalus, qui était l'homme le plus aimable du monde, et n'avait pas d'autre souci que de plaire à tous, amis comme adversaires, et même à ses adversaires plus encore qu'à ses amis peut-être. Préfet sous l'Empire, il avait administré les départements par où il avait successivement passé avec de bonnes paroles, des sourires, des promesses, des compliments, des poignées de main et des banquets à toute occasion. Et quand, après 20 années de ce régime, la chute de son gouvernement l'avait mis à bas, il s'était trouvé un de ces arrondissements où les maires, les conseillers municipaux, les curés, les pompiers, les orphéonistes, les fanfaristes, tous ceux enfin qu'il avait approché, étant resté ses amis, l'avait envoyé à la chambre en dehors de toute opinion politique. Que leur apportait à lui et à eux la politique? Il les avait convertis à son système. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a que des intérêts. À la chambre, il avait continué ses sourires, ses amabilités, ses bonnes paroles. Bien avec son parti, très bien avec ses ennemis, ce n'était pas lui qui faisait du boucan ou qui se laissait emporter par la passion. La main toujours tendue, et mon cher collègue plein la bouche, même avec ceux qui essayaient de le regarder du haut de leur austérité ou de leur mépris qu'ils finissaient par adoucir. « Mon cher collègue, soyez donc assez aimable pour venir dîner avec moi lundi prochain. » Comment supposer qu'avec moi ne voulait pas dire chez moi, alors qu'on arrivait de province et que jusqu'au jour bienheureux où les électeurs vous avaient envoyé à Paris, on avait été l'honneur du barreau de Carpentras ou la gloire de la fabrique Elbeuvienne. On savait que depuis longtemps le comte de Chalus était ruiné, mais puisqu'il donnait de bons dîners, c'est qu'il avait le moyen de les payer. On se disait qu'il est ruiné, ruine, et la conclusion qu'on faisait pour les dîners, on la faisait pour la maîtresse. Quelle surprise si un Parisien de Paris avait révélé la vérité, toute la vérité, à ses honnêtes convives. C'était 20 ans auparavant que le comte de Chalus avait fait la connaissance de Raphaël, alors dans toute sa splendeur, et au mieux avec le duc de Neurouze, le prince Savine, Poupardin, de la participation Poupardin à Allen & Company, le prince de Capelle, en un mot, avec toute la bohème tapageuse de cette époque. Pour lui, il n'était pas moins brillant, riche, bien en cours, en passe de devenir un personnage dans l'État. Lorsqu'il s'était retrouvé, le comte avait dissipé toute sa fortune et il n'était plus qu'un simple député, sans aucune influence même dans son parti, où personne ne le prenait au sérieux. Quant à Raphaël, si elle n'était pas ruinée, au moins avait-elle laissé dévorer par des spéculations aventureuses la plus grosse part de ce que son âpreté célèbre dans le monde de la galanterie lui avait fait gagner, et sur elle plus encore, que sur le comte ses 20 ans avaient lourdement marqué leur passage. La maigriotte parisienne s'était alourdie et épaissie, ses yeux rieurs s'étaient durcis, sa physionomie gaie et expressive toujours ouverte, toujours en mouvement, s'était immobilisée, les teintures avaient desséché les cheveux, les blancs, les rouges, les bleus avaient tanné la peau. Mais en fait, de beauté féminine, les yeux sont esclaves des oreilles, et la tradition les rend aveugles à la réalité. Quand, pendant 10 ans, on a été la belle Madame X ou la charmante Mademoiselle Z, pour les journaux et le monde, on a bien des chances pour l'être pendant 25 ou 30 ans. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse. Il faut des catastrophes pour casser les lunettes qu'on s'est laissé mettre sur le nez. Cela s'était produit pour Raphaël, en qui M. de Chalus n'avait vu que la charmante Raphaël d'autrefois. Elle comptait encore dans tout Paris, on parlait d'elle, les journaux citaient son nom dans les soirées théâtrales, on pouvait se montrer avec elle, alors souvent qu'on n'avait pas d'autre fortune que la maigre allocation d'un député. Assurément, si elle lui revenait, ce n'était point par intérêt. Et cette conviction ne pouvait que chatouiller la vanité d'un vieux beau. Une femme comme elle, acceptant un amant de 68 ans sans le sou, montrait qu'elle se connaissait en homme, voilà tout. Et vraiment, il ne pouvait que lui être reconnaissant de cette preuve de goût. Amant de cœur à 68 ans, il n'était donc pas si déplumé. Son ennui était de ne pouvoir pas le crier sur les toits. Mais l'orgueil de l'homme ruiné l'emportait sur la fatuité du triomphateur. De là, sa formule d'invitation à ses chers collègues, « Avec moi ». Elle était réellement une providence pour lui, cette bonne fille, et près d'elle, il retrouvait dans son désastre un peu des satisfactions de son ancienne existence. Un intérieur à la mode, une table bien servie et une femme, une maîtresse, aussi élégante que celle qu'il avait aimée autrefois. Et ce qu'il y avait d'admirable dans cette femme, dont la réputation d'âpreté au gain, s'était cependant établie sur tant de ruines, c'est qu'elle ne voulait rien accepter de lui. 2 ou 3 fois, il avait essayé d'employer en cadeau les quelques louis que les chances d'un écarté heureux avaient mis dans sa poche, et elle les avait toujours refusés. « Non, mon ami, je veux qu'entre nous, il n'y ait même pas l'apparence de l'intérêt. Une fleur, quand vous voudrez, tant que vous voudrez, mais rien qu'une fleur. » Et il avait d'autant mieux cru à la fleur qu'une fois elle lui avait demandé quelque chose, encore ne s'agissait-il que d'une démarche, d'un acte de complaisance et de bonne amitié. L'affaire était des plus simples et telle qu'on ne pouvait pas la refuser à son influence. Elle consistait à obtenir du préfet de police l'autorisation d'ouvrir un nouveau cercle dont le besoin se faisait vraiment sentir. Il serait facile de le démontrer. Bien entendu, ce n'était pas pour elle qu'elle demandait cette autorisation. Qu'en ferait-elle? Dieu merci, il lui restait assez pour vivre. Il ne tenait pas à gagner de l'argent. À quoi bon le superflu quand on a le nécessaire? Elle était revenue de ses ambitions d'autrefois, car c'est le propre des bonnes natures de s'améliorer en vieillissant. C'était pour un jeune homme, un fils de grande famille, le vicomte Frédéric de Mussidan, dont la sœur avait épousé Ernest Faré, l'auteur dramatique. Dans cette demande, il n'y avait pas que du désintéressement. Il y avait aussi un intérêt personnel qui la faisait insister. Si elle obtenait cette autorisation, Faré, reconnaissant du service qu'elle aurait rendu à son beau-frère pauvre, lui donnerait un rôle dans sa pièce nouvelle. Elle rentrerait au théâtre par une création importante et aurait ainsi la joie de voir ses anciennes amies crever d'envie. Quant à lui, comte de Chalus, pourquoi n'accepterait-il pas la présidence de ce cercle qui serait administré avec la plus rigoureuse délicatesse? Cela lui vaudrait 20 000 francs bons à prendre. Elle n'eut point parlé de ces 20 000 francs qui lui fait la démarche qui lui était demandée. Il lui devait bien ça, à la bonne fille. Mais les 20 000 francs donnèrent à sa parole une conviction et une chaleur qui ordinairement lui manquaient. Ce n'était plus le sceptique qui se moquait de lui-même et accompagnait des discours les plus pathétiques d'un sourire ailleurs. Vous savez qu'au fond, tout cela m'est bien égal, qu'il ne faut pas le prendre au sérieux plus que moi, et que vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Jamais il n'avait été aussi éloquent, aussi persuasif, aussi entraînant que lorsqu'il présenta la demande à son ami le préfet de police, à son cher préfet. « Un cercle, nous mousseriez le président, mon cher député. N'auriez-vous pas peur que votre bienveillance et votre indulgence le laissassent bien vite tourner au tripot, pas plus que les autres ? C'est qu'il y en a déjà bien assez de ces autres. » Malgré ses instances, son éloquence, sa diplomatie, malgré ses retours, il n'avait rien pu obtenir. C'était alors que les sentiments de Raphaël s'étaient affirmés dans toute leur beauté et que son désintéressement avait éclaté aux yeux de M. de Chalus. Il s'attendait à des reproches ou tout au moins à du mécontentement. Non seulement elle n'avait pas formulé le plus léger reproche, non seulement elle n'avait pas montré de mécontentement, mais encore, c'était ce jour-là même qu'elle l'avait prié d'inviter quelques-uns de ses amis à venir dîner le lundi chez elle. « Ici, n'êtes-vous pas chez vous ?» C'est qu'il n'était pas dans le caractère de Raphaël de se laisser jamais emporter par la colère ou la fâcherie, ni de compromettre ses intérêts. Or, il y avait intérêt pour elle, un intérêt capital, à obtenir cette autorisation. Et là, où le comte de Chalus, sur qui elle avait eu la simplicité de compter, échouait, d'autres réussiraient. Il lui amènerait ses autres, et en les étudiant à sa table, elle choisirait celui qui serait en situation d'enlever de haute main cette autorisation sans craindre de se la voir refuser. L'année précédente, à Biarritz, dans un cercle qu'elle dirigeait avec un ancien lutteur appelé Barthelas, elle avait fait la connaissance du vicomte de Mussidan, que le malheur des temps et l'injustice du sort avaient fait échouer là comme croupier. Il était jeune, il était beau, il était noble. Elle l'avait aimé, il s'était laissé affoler par l'envie de se faire épouser. Vicomtesse de Mussidan. Quel rêve, quand de son vrai nom s'appelle Françoise Urpin, et qu'on a donné une notoriété vraiment trop tapageuse à celui de Raphaël. Deux de ses anciennes amies enrichies avaient épousé vieilles, des jeunes gens, mais aucune n'avait pu se payer un vicomte. Elle avait eu des princes, des ducs, un fils de roi pour amant, mais ils ne lui avaient pas donné leur nom. Dans l'état de détresse où se trouvait le vicomte de Mussidan, il semblait qu'il dût se laisser épouser par une femme qui le tirerait de la misère. Mais quand elle avait adroitement abordé la question du mariage, il avait commencé par ne pas comprendre. Puis, quand elle avait précisé de façon à ce qu'il lui fût impossible de s'échapper, il avait nettement répondu par la question de fortune. Qu'apportait-elle en mariage ? Tout compte fait, il s'était trouvé que cette fortune ne suffirait pas à la vie qu'il entendait mener. Elle s'était désespérée et comme il était bon prince, il l'avait consolée. Il n'y a qu'à la doubler, qu'à la tripler, cette fortune. Le moyen était en somme assez facile. Elle avait des relations. Qu'elle obtint pour lui l'autorisation d'ouvrir un cercle à Paris, et elle ne tarderait pas, associée elle et lui, tous deux dans la coulisse, à gagner ce qui leur manquait. Alors ils se marieraient comme deux honnêtes fiancés qui ont travaillé pour leur dot.